بسم الله الرحمن الرحيم الآن سنخوض المسألة الخامسة والعشرين في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم dans sa parole, dans le sens où Allah dit qu'il l'a juste interdit, il vous a plutôt juste interdit à vous la chair morte et le sang. Sourate al-Baqarah, verset 173. قال رحمه الله تعالى هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام ومثلها قوله تعالى في سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم وقوله في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم. Donc la parole de ce verset laisse entendre que toute forme de sang est illicite. Également dans le sens où Allah dit, dans d'autres versets, sourate Nahl, les abeilles, il a dit qu'il a juste, il nous a juste rendu interdit la chair morte ainsi que le sang. Verset 115. Et pareillement, dans sourate Al-Ma'idah, Tabu Savi, verset 3, dans le même sens. Wa qad dhakara fi ayatin ukhra ma yadullu ala anna ad-dam لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا وهي قوله تعالى في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. Et dans un autre verset, il a démontré que le seul le sang la forme de sang qui est interdite, c'est le sang qui coule, comme celui d'une blessure ou غير ذلك, le sang qui coule, comme dans sa parole dans Sourate Al-An'am, les bestiaux, où il dit, dans le sens, hormis, c'est-à-dire dans ce qui lui a été interdit comme nourriture, hormis qu'il s'agisse de chair morte ou alors de sang qui a coulé. Verset 145. Donc maintenant, il faut lire entre les versets. قال الجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم. Donc la réponse maintenant, c'est la réponse qui touche à la mas'ala lorsque s'oppose un texte mutlaq, c'est-à-dire un texte qui a une chose, on va dire, exprimée dans l'absolu, et le muqayyid, une chose qui est retenue. Ça ressemble un peu au général et au spécifique. Mais c'est différent, il y a des différences. Et Yanni propose de tafsir, retourner au durus de Usul al-Fiqh, al-Usul min ilm al-Usul. Pour comprendre ce qu'est le mutlaq et le muqayyid. Et chez l'imam Malik, l'imam Shafi'i et Ahmed, la règle c'est que le qawl qui est mutlaq absolu, est lui-même conditionné par le muqayyid, celui qui est retenu. C'est-à-dire, si on a un texte qui est dans l'absolu et un autre qui a de la retenue, on explique celui qui a de l'absolu par celui qui a de la retenue. Ça ressemble un peu comme un texte qui est âme, général, avec un tarsis, une chose qui est spécifique. Surtout lorsque le jugement est le même et la cause est la même. Comme ce fut le cas ici dans ce verset-là. C'est-à-dire, le jugement, c'est que la chose, elle est haram. Et le sabab, c'est le sang. Ce que Allah, Azzawajal, a rendu illicite à consommer, à la consommation. قال وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر. نعم, également, j'ai oublié de préciser dans ce qu'il dit. Et peu importe que le mutlaq soit venu en premier, le muqayyid soit venu par la suite dans un autre verset, ou le contraire, que le muqayyid soit venu en premier et que le mutlaq soit venu par la suite. Il dit peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? On applique le muqayyid sur le mutlaq. C'est-à-dire, on comprend le texte du mutlaq de l'absolu par celui qui est une retenue. Donc là, la retenue, c'est quoi? À la base, le mutlaq, c'est que toute forme de sang, que Allah interdit le sang de façon absolue. Et la retenue, c'est qu'en fait, dans un autre verset, c'est le sang qui a coulé. Donc ce n'est pas toute forme de sang. وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل مع أنهما مكيتان إلا آية معروفة. Donc nous, ici nous avons dit que le mutlaq peut venir en retard par rapport au muqayyid, car là, dans ces versets-là, le muqayyid, le qayd, la retenue, elle est venue en surat al-an'am, les bestiaux. Et celle-ci est descendue avant surat al-nahl, les abeilles. Alors que les deux sont mekkiyah, sont mekkoises, à part certains versets. وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَنْعَامِ قَبْلَ الْنَحْلِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي النَّحْلِ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. Donc maintenant la preuve que l'An'am elle est descendue avant An-Nahl, avant les abeilles, la parole d'Allah dans le sens où dit dans An-Nahl, dans les abeilles, et sur ceux qui se sont judaïsés, nous leur avons interdit ce que nous avons déjà cité. Et qu'est-ce qu'il veut dire parce que nous t'avons déjà cité? Ça, c'est dans Surat Nahl, verset 118. Et il veut dire par là ce que nous avons déjà cité dans Surat Al-An'am. Donc, elle est venue auparavant. Dans sa parole, il dit dans le sens. Et sur ceux qui sont judaïsés, nous avons rendu illicite tout ce qui possède un ongle unique. Verset 146. Donc, Allah Azza wa Jalla a bien dit ce que nous t'avons déjà cité. Donc, c'est qu'il y a eu un texte qui a été donné auparavant. Et ce texte, dans quel sourate se trouve-t-il? Dans sourate Al-An'am. Naam. ثم قال ولا هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من إثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد. C'est مقيد بفتح الياء. Des fois, il m'arrive que je dise مقيد, on dit, c'est une كسرة, en fait, c'est des rares. C'est مقيد, c'est اسم مفعول. مقيد بفتح الياء. Donc là, c'est là-dessus que sont beaucoup de ulama. C'est-à-dire que le sang qui n'est pas du sang qui coule, mais qui est par exemple un reste, comme ce que l'on trouve une fois qu'on a égorgé l'animal, une fois qu'il s'est vidé de son sang, il y a toujours un peu de sang qui reste. Ou lorsque on prend de la viande pour la faire cuire, il y a un petit peu de sang qui reste. Ce sang-là, ce n'est pas un sang qui est masfour. Ça, c'est des restes, et ce sang-là lui-même n'est pas illicite. Celui qui est illicite, c'est celui, par exemple, une fois que tu as égorgé la bête, le sang qui a coulé, tu ne veux pas le chercher pour le consommer, comme le faisaient les gens de l'Jahiliya. Naam. Ou demain, tu te blesses, par exemple, le sang se met à couler. Et des gens souvent se mettent à boire ce sang-là. Certaines personnes ont cette habitude de là, de boire ce sang pour, d'après eux, le faire cesser de son écoulement. Donc ce sang-là qui coule, qui sort à ce moment-là, il est illicite. Le sang qui s'est versé est illicite. Par contre, le sang qui reste, car il est quasiment impossible, je dirais même impossible, de trouver un animal égorgé, fraîchement égorgé, puis cuisiné, sans qu'il ne reste quelques restes de sang. Ce sang-là en lui-même, lui n'est pas illicite. C'est celui-là qui est Reil Masfour. Naam. Fa'ilahuna, wa alhamdulillah bil alamin.